D'autres rimes que bouge, alors tant pis, moi je me couche. Non, c'est pas la première fois que je dis.